Chapitre 6e, 13 juin. C'en est fait, elle sait que je l'aime. Ce soir, après le dîner que maman avait voulu rendre au couturier, l'abbé, qui était aussi invité, a proposé de faire un tour dans le parc. Monsieur le couturier, que le marché souffle, est resté au salon avec maman. Madame le couturier et l'abbé se sont assis au bout de la pelouse. Nous nous sommes engagés, Claire et moi, dans la grande allée. La nuit commençait à tomber, mais il restait dans l'air une clarté mourante, si douce, que la nature entière semblait pénétrer de sa douceur et s'enveloppait d'une sorte de recueillement pour recevoir l'adieu du jour. Le crépuscule épaississait déjà ses ombres autour de nous, mais le ciel, où passaient des tourterelles attardées, restait clair au-dessus de nos têtes et laissait encore filtrer entre les branches un peu de sa sérénité. Deux petits nuages roses flottaient très haut du côté du couchant. Si vieux que je puisse vivre, jamais, non, jamais, je n'oublierai cette soirée, et la minute solennelle où le cher secret, que je ne pouvais plus garder, a jailli de mon cœur. Nous avions pris un petit chemin qui passe à travers les taillis, et nous parlions de choses indifférentes, lorsque Claire, qui marchait en avant, s'est trouvée tout à coup, au moment où nous débouchions sur la pelouse, en face du sylvain dansant. La pâle lumière qui baignait encore le contour des objets donnait à la statue sans tête je ne sais quel air de blanche et fantastique apparition. Claire jeta un petit cri de surprise et, d'un mouvement instinctif, se rapprocha vivement de moi. « Vous avez eu peur ? » dis-je en lui offrant mon bras qu'elle prit aussitôt. « Oui, très peur. Oh, la vilaine statue ! Voulez-vous qu'on la mette à bas demain ? Vous feriez cela si je vous le demandais ? Cela et beaucoup d'autres choses encore. Vraiment ? Mais oui. Ah ? Et pourquoi feriez-vous cela ? Pour vous être agréable ? Vous tenez donc bien à m'être agréable ? Oui, puisque je vous aime. Quelle force inconnue et irrésistible m'a fait prononcer tout à coup, sans que je le voulusse, sans que j'en eusse conscience, cette parole décisive d'où sortira le bonheur ou le malheur de ma vie ? Je l'ignore. J'étais atterré. Elle s'est mise à rire. Puis, quittant mon bras, elle a frappé comme un enfant ses deux mains l'une contre l'autre en disant « J'ai gagné mes 100 sous. Je m'étais parié à moi-même que vous me feriez une déclaration ce soir. » Puis, changeant de ton, elle ajoutait avec une gravité comique. « Rentrons, monsieur. Il n'est plus convenable maintenant que nous nous promenions seuls dans le parc. » Nous sommes rentrés au salon. Elle a été pendant tout le reste de la soirée d'une gaieté folle, parlant à tour et à travers, riant aux éclats, risquant avec l'abbé des plaisanteries garçonnières, répondant aux observations de madame le couturier sur un ton dégagé qui frisait l'impertinence, changeant de chaise à chaque instant, dérangeant tout sur la table, fourrageant comme un jeune chat dans la corbeille au peloton de laine. J'ai vu que maman l'observait avec étonnement et inquiétude. Quant à moi, j'essayais en vain de trouver un mot à dire tant j'étais ému, triste et irrité tout ensemble. Monsieur le couturier, qui sommeillait dans un coin, s'est enfin décidé à demander sa voiture. Ils sont partis, emmenant l'abbé. Au moment où je la saluais, avec une froideur un peu cérémonieuse, elle m'a dit à voix basse, d'une voix très douce que je ne lui connaissais pas, « Vous savez, je ne vous en veux pas du tout. » Et en même temps, dans ses yeux a passé un regard que je n'y avais jamais rencontré, un regard tendre, un vrai regard de femme. Qui m'expliquera ce que tout cela veut dire ? Je suis allé me promener à pied dans la forêt. Je me suis couché sur la mousse au pied d'un gros chêne. Il faisait chaud. J'étais fatigué de ma nuit sans sommeil. Des milliers de petites mouches, butinant dans l'herbe, me berçaient d'un bourdonnement monotone. Je me suis endormi. Depuis combien de temps étais-je là ? Je l'ignore. Un léger bruit m'a réveillé. J'ai ouvert les yeux, je me suis redressé, j'ai vu en face de moi, j'ai vu, dans son panier, fouet et guide en main, Claire qui me regardait. J'étais horriblement confus. Je l'étais plus encore quand elle m'a dit en riant « Ah, monsieur, je vous y prends. Savez-vous que ce n'est pas poétique du tout ce que vous faites là ?» Le meilleur parti était de rire comme elle, c'est ce que j'ai fait, d'aussi bonne grâce que j'ai pu. Elle a mis pied à terre et donné l'ordre au petit groom qui avait pris les guides à sa place de nous suivre ou pas. Nous nous sommes dirigés du côté de l'ermitage en causant comme de bons amis. Par une sorte d'accord tacite, Nous n'avons fait d'abord ni l'un ni l'autre aucune allusion à ce qui s'est passé hier dans le parc. Tout à coup, elle me dit « N'est-ce pas, monsieur, que vous me détestez aujourd'hui ? Pourquoi voulez-vous que je vous déteste aujourd'hui, alors qu'hier je vous ai dit « Oui, oui, je sais. Ne vous croyez pas obligé de me le redire ?» Cela me ferait regretter l'inconséquence que je commets en me promenant seul avec vous. Nous ne sommes pas seuls. Oui, il y a Tom et puis le cheval. Comme chaperon, vous m'accorderez que c'est un peu mince. Enfin, n'importe. J'ai été élevé à l'anglaise, et puis je suis majeur. Vous ne me mangerez pas, n'est-ce pas ? Continuons. Je vous disais donc que vous deviez me détester. Eh bien, vrai, je trouve que vous n'auriez pas tort. Comment cela ? Voilà. Vous m'avez fait une déclaration, n'est-ce pas ? Les jeunes filles bien sages, bien élevées, comme vous devez les aimer, enfin, savent parfaitement qu'en pareil cas, il faut rougir, balbutier, et chercher des yeux sa mère en disant sur un ton de pudeur alarmée « Monsieur !» Or, moi, je n'ai rien fait de tout cela, j'ai ri. Et pourquoi ai-je ri ? Parce que j'avais envie de rire. Et vous saurez que c'est ma règle de toujours faire ce qui me passe par la tête. Même quand c'est une folie, pourquoi pas ? En venant dîner chez votre mère, j'ai récapitulé les déclarations dont, cet hiver, on m'a honoré, au bal, au concert, au théâtre, dans des dîners, partout. J'en ai trouvé 19. Notez que je ne parle que des déclarations positives, comme dirait papa. Je laisse de côté tout un lot d'œillades, de soupirs, d'attitudes tendres, langoureuses, passionnées, mélancoliques, fatales, etc., variant selon le tempérament du monsieur, mais toutes également expressives. Je me disais donc, 19, plus celle que je vais attraper ce soir, ça fera 20, 5 de plus que l'an dernier. Alors, vous comprenez, quand j'ai vu que le compte y était, ça a été plus fort que moi, j'ai pouffé. Ça n'avait rien de désobligeant pour vous, c'était la chose elle-même, le chiffre rond. Seulement, je me rends parfaitement compte que je vous ai des plus hauts, mais là, très fort. J'ai répondu qu'il m'avait été pénible, en effet, de ne voir qu'une chose aussi sérieuse à mes yeux qu'un aveu dans lequel je faisais l'offre de ma vie lui avait seulement prêté à rire. « Ah, mon Dieu » s'est-elle écriée, « comme vous y allez ?» Alors, ce que vous m'avez dit hier soir, c'était aussi sérieux que cela. Quel drôle d'homme vous êtes ! Dans le monde, savez-vous ce qui se passe quand un monsieur vous dit « je vous aime » ? On fait un joli sourire pour marquer qu'on lui sait gré de l'attention, puis c'est fini, on pense à autre chose. Exactement comme lorsqu'on vous présente un quartier d'orange glacé sur une assiette. On prend l'orange et on rend l'assiette. Je vous assure qu'il n'y aurait plus de monde possible si toutes les fois que dans un salon, un jeune homme indique à une jeune fille qu'il a un sentiment pour elle, cela signifie qu'il lui offre sa vie. Ce n'est plus que dans les romans vieux jeux que les choses se passent ainsi. Non, vrai, je ne soupçonnais pas. Je me suis bien aperçu depuis 3 semaines... que je ne vous semblais pas désagréable à regarder. Ça se voyait, ça se voit encore. Mais enfin, hier soir, j'ai cru que c'était un peu par politesse. Et puis à cause de l'heure, de la nuit, des bois. Est-ce que je sais, moi ? Comment, c'était à ce point-là, pour de bon ? Hélas, oui, mademoiselle. Je ne suis pas un homme du monde, moi. Oui, oui, il y a longtemps que je le sais. Mais ça s'apprend, allez. Au fond, même, ça n'est pas très difficile. Ne vous inquiétez pas. Seulement, je suis très ennuyé maintenant, parce que je vois bien que vous m'en voulez. Et de quoi vous en voudrais-je, grand Dieu ? D'avoir fait mon enfant gâter au salon, après la promenade dans le parc. J'ai dû passablement vous agacer. Voyons, avouez que vous m'avez trouvé insupportable. Que voulez-vous ? J'avais mal honneur à cause du champagne, et aussi à cause de ce que vous m'aviez dit. Vous savez, on a beau avoir l'habitude, cela fait un drôle d'effet de s'entendre dire cette petite chose, surtout de cette manière-là. Car entre nous, vous aviez l'air pénétré comme un prêtre qui dit la messe. Et puis ce silence, cette solitude, cette statue sans tête, votre voix qui était toute chose. Ce n'est pas dans mon programme, tout cela. Alors vous comprenez, j'ai eu mes nerfs. Et quand je les ai, je sens très bien que je suis à battre. Ma foi, tant pis. Il vaut mieux que vous sachiez qui je suis. Je m'efforce de reproduire fidèlement cette conversation. N'est-ce pas encore causer avec elle que de rechercher et de retrouver dans ma mémoire les phrases mêmes qu'elle a dites ? Je voudrais les consigner sur ce journal avec tout l'imprévu de leur tour, toute la gentille brusquerie de leur allure. Oui, voilà bien ces propos sautillants, ces petites phrases courtes, hachées, rebondissantes, ponctuées d'interjections. Je la vois, je l'entends. Mais comment rendre le charme de cette voix, la joliesse de ce sourire, les sautes de pensée qui modifiaient brusquement l'expression de ce visage mobile, la malice et l'esprit qui pétillaient dans ses yeux? Hélas, je suis comme un homme qui pique des papillons sur un liège, ils sont là, mais leur grâce, elle est, qu'est-elle devenue? Nous sommes allés ainsi, riant et causant, jusqu'à l'auberge de l'Ermitage. Comme elle remontait dans son panier, je lui demandais si elle venait se promener souvent dans cette partie de la forêt. Malgré l'air hypocritement détaché que j'avais pris pour lui adresser cette question, elle m'a lancé un regard qui m'a prouvé qu'elle pénétrait ma pensée secrète, et après une seconde d'hésitation, « Mais oui, tous les jours à peu près. Il y a plus d'ombre par ici. Et vous, est-ce que vous y venez aussi ?»« De temps en temps. Alors un de ces jours, je pense. » Au revoir, monsieur, bonne promenade, et pardon de vous avoir réveillé. Son fouet s'est abaissé légèrement. Le petit cheval noir est parti. J'ai suivi des yeux jusqu'au tournant de l'allée le voile de gaz bleu qui flottait derrière elle, et puis je suis rentré, bien heureux.